Genèse chapitre 49. Puis Jacob appela ses fils, et leur dit, assemblez-vous, et je vous déclarerai ce qui vous doit arriver au dernier jour. Assemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob, écoutez, dis-je, Israël, votre père. Ruben, qui est mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, qui excelle en dignité, et qui excelle aussi en force, tu t'es précipité comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi, frères, ont été des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre point en leur conseil secret, que ma gloire ne soit point jointe à leur compagnie, car ils ont tué les gens en leur colère, et ont enlevé les bœufs pour leur plaisir. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été roide. Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Judas, quant à toi, tes frères te loueront, ta main sera sur le collet de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un fan de lion, mon fils, tu es revenu de déchirer, il s'est courbé, et s'est couché comme un lion qui étend sa force, et comme un vieux lion, qui le réveillera? Le sceptre ne se départira point de Judas, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le silo vienne, et à lui appartient l'assemblée des peuples. Il attache à la vigne son anon, et au cep excelle le petit de son ânesse, il lavera son vêtement dans le vin, et son manteau dans le sang des grappes. Il a les yeux vermeils de vin, et les dents blanches de lait. Zébulon se logera au port des mers, et sera au port des navires, ses côtés s'étendront vers Sidon. Issacar est un âne ossu, couché entre les barres des étables. Il a vu que le repos était bon, et que le pays était beau, et il a baissé son épaule pour porter, et s'est assujetti aux tribus. Dan jugera son peuple, aussi bien qu'une autre des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, et une couleuvre dans le sentier, mordant les pattes, huron du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. Ô Éternel, j'ai attendu ton salut. Quant à Gath, des troupes viendront le ravager, mais il ravagera à la fin. Le pain excellent viendra d'Azé, et il fournira les délices royales. Nephtali est une biche lâchée, il donne des paroles qui ont de la grâce. Joseph est un rameau fertile près d'une fontaine, ses branches se sont étendues sur la muraille. On l'a fâché amèrement, on a tiré contre lui, et les maîtres tireurs de flèches ont été ses ennemis, mais son arc est demeuré en sa force, et les bras de ses mains se sont renforcés par la main du puissant de Jacob, qu'il a aussi fait être le pasteur, et la pierre d'Israël cela, et procédé du Dieu fort de ton père, lequel t'aidera, et du Tout-Puissant, qui te comblera des bénédictions. Des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme d'en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton père, ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré, jusqu'au B. À haute des côtes d'éternité, elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête du Nazaréen d'entre ses frères. Benjamin est un loup qui déchirera, le matin il dévorera la proie, et sur le soir il partagera le butin. Ce sont là les 12 tribus d'Israël, et c'est ce que leur père leur dit en les bénissant, et il bénit chacun d'eux de la bénédiction qui lui était propre. Il leur fit aussi ce commandement, et leur dit, « Je m'en vais être recueilli vers mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, et tiens, dans la caverne, dis-je, qui est au champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Chanan, laquelle Abraham acquit d'Éphron, et tiens, avec le champ, pour le posséder comme le lieu de son sépulcre. C'est là qu'on a enterré Abraham, avec Sarah, sa femme, c'est là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ a été acquis des Étiens, avec la caverne qui y est. Et quand Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira ses pieds au lit, et expira, et fut recueilli vers ses peuples.